Le Canada a remporté une victoire de 7-3 samedi en grande finale contre la Suède au tournoi Ivaninka en République tchèque. Et on vous parle du tournoi Ivaninka parce qu'il y a un des nôtres qui jouait pour le Canada, c'est Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan et natif de Robertval. Question de savoir un peu comment il a trouvé son expérience. Parce que jouer au début du mois d'août même, un gros niveau de compétition, ça ne doit pas être toujours évident. On lui parle. Salut Samuel! Samuel, comment t'as trouvé ton expérience au tournoi Ivaninka? Une très belle expérience, là, d'être avec les meilleurs joueurs au Canada, puis les 7 meilleurs défenseurs de 18 ans au Canada, c'est sûr que c'est un bel exploit, là, puis c'est vraiment un bon tournoi pour nous, puis je pense qu'il m'était prêt pour la saison qui s'en vient. OK. Comment t'as trouvé vraiment... Ça a dû être un style de jeu où t'étais très à l'aise. C'est un gars qui a une bonne vision de jeu, très bon coup de patin. Les patinoires en Europe sont quand même plus larges qu'ici. Ça a dû te favoriser, ce style de jeu-là? Ouais, ben c'est sûr qu'avec mon style de jeu que je joue, je suis pas mal un défenseur offensif, puis j'aime ça, je vois que la rondelle, puis contrôler la rondelle. Fait que c'est sûr que quand la patinoire est plus grande, puis il y a plus d'espace, c'est plus facile, puis c'est un avantage pour okay, moi. OK, OK. Jouer au hockey au mois d'août, d'un niveau de compétition comme ça, est-ce que c'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable? Parce que là, la compétition est énorme, là. Je veux dire, les équipes veulent gagner, là. Est-ce que c'est un petit peu bizarre ou vraiment là, on s'y fait? Non, c'est sûr que moi j'ai pas arrêté vraiment c'est rendu là, depuis 2-3 ans là, que les étés là. Okay. Je relaxe bien, fait que c'est pas mal tout le temps le hockey là. Si je voudrais faire un autre sport l'été ou tout de même, je pourrais pas là, si c'est tout le temps le hockey là. J'ai des camps pis plein de choses. Okay. Dis-moi Samuel maintenant, comment t'as été utilisé? Est-ce que t'as été utilisé de façon régulière, l'entraîneur ou t'utilisais vraiment dans des situations spéciales? Ouais, ben c'est sûr, je jouais sur le troisième pairing de défenseur. Okay. Mais, on jouait quand même régulièrement, là. On roulait les pairings, là, mais j'étais sur le deuxième avantage numérique, fait que j'avais quand même la glace. Okay. Est-ce que c'était-tu la première fois que tu portais les couleurs du Canada dans une compétition? Non? Non, j'avais déjà été au moins de 17 ans là, à Sarnia l'an passé en Ontario. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. J'allais là, puis après ça, un camp aussi à Calgary. Là. Ça fait 3 ans que je vois un camp à Calgary. OK. Là, j'imagine que le tournoi Ivaninka, est-ce que c'est populaire dans ce pays-là quand même? Parce qu'on sait que c'est toujours au début du mois d'août, ce qui signifie normalement le début de la saison de hockey pour vous, pour les dépisteurs également. Mais dans les estrades, est-ce que c'est quand même assez populaire? Est-ce qu'on en parle un peu des médias là-bas? Tu sais, Ben, tu sais, là-bas, c'était... S'il y avait quand même... Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, mais quand on jouait contre l'équipe locale, là, l'aréna, c'était plein. OK. Puis, là-bas, comment ça marche, tu sais, mettons, comme au soccer, là, quand ça crie avec les tambours et tout, là, c'est pas mal ça aussi, au hockey, fait que c'est quand même le fun de jouer contre la République. Ah ouais, OK. Ça n'a pas été facile non plus, hein, c'est contre la Russie, c'est la Russie qui vous a donné plus de fil à retordre, hein? Ouais, ben tu sais, on les a dominés, là, de A à Z, là, c'est lancé, on a dû en avoir peut-être le double de eux, là, puis notre goal-là, il a vraiment bien goalé, puis... C'est une game serrée, là, donc c'est stressant. OK. Normalement, quand une compétition comme ça, est-ce que ça fait en sorte que une compétition internationale, est-ce qu'il y a des choses que tu t'améliores? Le style de jeu est différent que dans un match de la Ligue de hockey junior du Québec. Est-ce que ça améliore un gars comme Samuel Girard de participer à ces événements-là? Ben, c'est sûr, plus que tu fais de camp avec Hockey Canada, ouais. Même, c'est sûr que ça t'améliore. Toutes ces choses-là, là, c'est sûr que oui, ça l'améliore un joueur, là, puis ça lui donne la confiance. Là, tu vas te rapporter au Cataract quand? Là, je suis venu passer quelques jours à Robertval là, pour reprendre le décalage horaire aussi, là, puis pouvoir relaxer pour être au début de saison, parce que je retourne à Shawinigan. Hey, Samuel, comment tu vois ton année avec les Cataracts? C'est une année importante pour Samuel Girard, c'est ton année d'éligibilité. Les Cataractes ont quand même une bonne équipe de jeunes. Comment tu vois ça, ta prochaine année avec les Cataractes? Oui, ben tu sais, c'est sûr qu'on devrait avoir une bonne année avec les Cataractes, là, mais vu que c'est mon repêchage, je me stresse pas bien avec ça. Quand je vais jouer ma game comme j'ai joué l'an passé, puis je pensais pas trop au futur, mais que le repêchage arrive, on y pensera, mais là, je mets plus à focus sur la saison. OK. Puis, c'est les matchs qui vont arriver. OK. Vous allez avoir une bonne équipe cette année? Oui, on devrait avoir une bonne équipe, là. On devrait être... Il y a plusieurs personnes qui disent qu'on devrait être dans le top, là, mais... Okay. Ben Samuel, on va te souhaiter la meilleure des chances, on va te suivre de très très près, puis félicitations pour ta médaille d'or au tournoi Ivaninka. Samuel Girard de Robertval qui a remporté la médaille d'or avec son équipe au tournoi Ivaninka.